Ça, c'est l'amour de Dieu. Ce qui signifie qu'il aspire à ce que vous entrez dans le royaume de Dieu. Le livre de Jean, chapitre 5, 21 à 28. Vous allez voir ce que le Seigneur pensait quand la voix a dit: toute autorité dans les cieux et autorité sur la terre a été donnée à Christ Jésus. Jean chapitre 5, je lis le verset 21. For just as the Father raised the dead and gives them life. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, even so the Son gives life to whom he is pleased to give it. Ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. Moreover, the Father judges no one, but he has entrusted all judgment to the Son. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. That all may honor the Son, just as they honor the Father. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Alors vous voyez de quelle autorité Dieu était en train de parler. Et il dit: he who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Le verset 24: I tell you the truth, whether he hears my word and believes him who sent me. Je vous dis la vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé has eternal life and will not be condemned. A la vie éternelle et ne vient pas point en jugement et ne sera pas condamné. Mais il est passé de la mort à la vie. Verset 25. I tell you the truth, a time is coming, it has now come. Je vous dis la vérité, le temps est venu et maintenant vient. When the dead will hear the voice on the Son of God, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. And those who hear will live. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Let me stop there for a moment. Laissez-moi m'arrêter là pour un moment. Are you beginning to see the enormous authority given to Jesus? Est-ce que vous commencez à comprendre l'énorme autorité qui est donnée à Jésus? Une autorité de choisir à qui donner la vie, même la vie éternelle. Une autorité de juger. Et il dit qu'un temps vient. Alléluia, c'est beau. Le verset 25. Je vous dis la vérité, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu, tous ne l'entendront pas. Ça n'est pas tous qui l'entendront. Et il dit, ceux qui l'entendront, je suis sûr, vous êtes en train de vous dire ce soir, mais Seigneur, j'aimerais entendre cette voix. Sure,